retrouve Julie Collin, que vous avez entendu ces derniers jours pour le Salon international du livre de Québec. On fait un petit bilan aujourd'hui et on parle d'un spectacle qu'elle a vu vendredi soir. Bonjour Julie. Bonjour Jessica. Bienvenue à Kitschiké. C'était au Palais Montcalm vendredi soir dans le cadre de ce Salon du livre. Oui, c'est dans le cadre du Salon du livre international du livre de Québec. Oui, donc c'est un spectacle qui est basé sur un recueil de nouvelles de Louis-Carl Picard-Sioui, qui porte le même nom. Et ce recueil-là comprend environ 10 nouvelles et il y en a 4 qui étaient utilisées pour le spectacle. D'accord. Donc, est-ce que tu avais lu le recueil? Tu avais eu la chance de le lire? Non, même pas? Non, okay. Ben non. Je fournis pas, on le sait. Mais non, c'est juste pour dire qu'on peut y aller sans lire le recueil. Non, aussi. Mais c'est ça, mais ça m'a donné envie de le lire, par contre. Mais c'est ça, c'est que... Le spectacle est basé sur le recueil. Comment ça se passait? C'est qu'il y avait 4 acteurs qui étaient sur scène. Donc, il y avait Louis-Carl Picard-Sioui. Il y avait Jocelyn Sioui, qui est aussi le metteur en scène. Il y avait Sylvie Nicolas. Puis, il y avait aussi Catherine Simard. Donc, il y était 4 sur scène, dans le fond, à faire bouger des marionnettes, des fois. C'était vraiment quand même très, très imagé. On avait une boîte qui représentait un dépanneur. Le dépanneur, c'est le centre, dans le fond, de cette réserve fictive-là qui est Kitschiké. C'est l'endroit où ce que les gens se rencontrent, c'est l'endroit où ce que les gens se parlent, c'est vraiment comme leur place publique, là, finalement, où est-ce que tout le monde se croise. Donc, on a tous les quiproquos, les discussions entre les gens, puis tout ça. Fait que, oui, c'était particulier comme mise en scène, quand même, parce que c'est ça, les marionnettes, on les voyait comme bouger. Il y avait vraiment... il y avait comme des marionnettes qui bougeaient pas, dans le sens que c'était plus comme, mettons, un dessin, là. Ouais, c'est pas tout à fait ça que j'aimerais dire, mais tu sais, c'est ça, comme vraiment plus fixe. Ouais. Fait qu'il bougeait, mettons, avec un bâton. Puis il y avait aussi vraiment une marionnette qui était très, très physique, là, que tu pouvais vraiment jouer avec, puis ça, puis c'était vraiment impressionnant. Donc, ouais, c'était une pièce qui parle de tout ce qui peut se passer sur une réserve, finalement. Ça parlait, entre autres, au niveau de la religion. La religion, c'est quand même particulier dans la communauté, donc... c'est ça, c'est que ça parlait entre autres de ça. Ça parlait pas au niveau politique. Ça a été un choix, dans le fond, qui a été fait de choisir les nouvelles qui étaient moins politiques. Parce que ça aurait pu être plus politique. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça, dans le fond, les autres nouvelles, j'allais jaser hier avec des gens qui étaient dans la pièce. Puis on me disait que les autres nouvelles étaient beaucoup plus politisées, c'est ça. C'est un spectacle qui n'a pas de date qui va être refait à nouveau. C'était la 4e fois qu'il était fait. C'est la première fois qu'il était fait dans une salle en ville. Parce que les 3 autres fois, c'était sur des réserves que ça avait eu lieu. Ah, dans ouais. Des salles. Donc, première fois à Québec, le territoire. C'est hein? Ça, ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, c'était au Palais Montcalm, mais c'était en haut. C'était la salle multifonctionnelle. Donc, ouais, c'est pas la salle d'Youville. Mm-hmm. Ah, OK. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est que c'était la salle en haut. C'est pas la salle que j'ai l'habitude de fréquenter mm-hmm. en bas. Et c'était la première fois ça qu'il y allait plus en public, comme ça, genre en ville. Sinon, c'est ça, c'était plus pour les communautés, c'est un peu plus discret. Mais il y a vraiment une intention de le refaire, mais il n'y a pas de date de connue encore. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être surveiller le salon du Livre des Premières Nations à la fin du mois de novembre. Ah, c'est d'accord, mais il faudrait attendre, donc. Oui, c'est ça, mais c'est une question de feeling. Là. Okay. Moi, j'ai l'impression que peut-être ça serait possible à ce moment-là, peut-être que ça va être refait. Puis c'était accompagné aussi de musique. Pour la première fois, il y avait de la musique de Frédéric Dufour qui accompagnait. Frédéric Dufour a appris la musique 3 jours avant. Ah oui, à la guitare, donc. À la guitare, c'est ça, c'est qu'il faisait de la guitare 3 jours avant, et sinon, il n'y avait pas idée qui était pour faire ça dans le cadre de ce spectacle-là. C'est que c'est vraiment un ajout. Ça fonctionnait très bien. Et en première partie, avant que le spectacle débute, on a eu une lecture de Naomi Fontaine qui nous lisait son 2e livre, Manicanetiche. Donc, elle a fait la lecture de ce livre-là, accompagnée de musique aussi. C'est que c'était très doux. Elle lit tellement bien. Elle écrit bien, elle fait tout bien, là, mais sérieusement, elle lit bien en plus, parce que des fois, il y a des auteurs qui écrivent bien, mais le rendent en lecture, ou des fois, ça se lit mieux, mais ça se dit pas nécessairement, puis là, c'était très bien exprimé, c'est que c'était vraiment intéressant. Un autre livre que j'ai pas lu encore. Rappelle-nous le titre. Manicanetiche. Ouais, on va prendre l'orthographe aussi. Ouais, je pourrais peut-être faire ça, mais c'est ça, c'est que c'est Naomi Fontaine, là, c'est quand même, c'était une des invitées d'honneur du salon, d'ailleurs. Donc, une belle place aux Premières Nations aussi, avec ce spectacle, on le rappelle, Bienvenue à Kitschiké. Donc le livre est disponible partout. Chronique de Kitschiké, la grande débarque par Louis-Carl Picard-Sioui. Une adaptation qui était telle quelle sur scène et dans le livre. Bon, t'as pas lu le livre, mais est-ce que ça avait l'air d'être copié-collé? On m'a dit que c'était vraiment c'était très représentatif, là. C'était très fidèle. Oui, c'est ça, je cherchais. je m'allais dire respectueux, mais c'est même pas ça que je voulais dire. Ouais. Mais ça, c'était très fidèle au livre, mais c'était vraiment 4 nouvelles sur les 10 qu'il y a dans le recueil, comme je disais. C'est que c'était fidèle aux 4, mais c'était pas fidèle aux 10, évidemment. Alors, ça donne envie d'en savoir plus à travers ce livre, maison d'édition d'ailleurs, Anne Norac, que vous pouvez retrouver. Julie, beau salon du livre quand même, on note des records pour ce salon international du livre de Québec avec plus de 77 000 visiteurs. Ah, j'ai entendu 70, moi. 70 000, oui, je grossis, mais... ça me fait plaisir. Non, mais ça, c'est raison. De toute façon, c'était un chiffre record cette année. J'ai pas de misère à croire, il y avait du monde. Donc, il y avait quand même beaucoup de gens. Mais il y avait beaucoup de gens, semble-t-il, le jeudi soir aussi. Puis moi, je suggère souvent aux gens de venir les mercredis, jeudi soir. C'est que j'étais contente d'entendre ça, que le jeudi soir, il y avait vraiment beaucoup de monde aussi. Mm-hmm. Parce que c'est les meilleurs moments pour justement avoir le temps de bouquiner, de se promener, tout ça. Samedi, c'était à peu près infernal. Ça s'est circulé. C'est toujours le samedi, oui, comme tu dis, que les visiteurs préconisent pour se balader. Donc, rien de très étonnant. Oui, c'est ça. Puis il y a plus de vedettes aussi qui peuvent signer, puis tout ça. C'est que c'est sûr que c'est un peu différent comme contexte. Mais ouais, c'est un beau salon. Globalement. T'as raison, c'est plus de 70 000 visiteurs. Nombre exact n'était pas encore communiqué ce matin au moment d'avoir les articles sous presse. Julie Collin, merci beaucoup. Mais merci Jessica. Pour ce retour. On se retrouve